Patrice Fléchy, donc nous vous laissons la parole avec grand plaisir. Merci, merci de votre invitation à ce séminaire. Je voudrais d'abord indiquer que, d'une part, je n'ai jamais revu la moindre bande vidéo militante depuis probablement 35 ans, nous disons peut-être 32. J'ai une place un petit peu particulière peut-être dans ce séminaire. C'est-à-dire, je ne suis en aucun cas un acteur de cette vidéo militante que vous avez fait venir. Je n'ai pas de témoignage à apporter. Juste peut-être un petit point de biographie. J'ai été moi aussi animateur de ciné-club au tournant des années 60 et 70. Et j'ai passé toutes mes soirées de l'été 68 à Alger à la Cinémathèque. Donc ça, c'est un point qui peut nous rapprocher. Mais en dehors de ces points, je dirais, j'ai été effectivement un observateur des groupes vidéo au milieu des années 70, mais je suis avant tout, je dirais, un sociologue des nouvelles technologies de communication, et j'ai travaillé effectivement sur la vidéo dans les années 70, mais depuis, j'ai essentiellement travaillé sur le numérique, enfin d'abord sur Minitel, mais surtout sur le numérique et sur Internet. Donc, je reprendrai rapidement, effectivement, l'argument de ce papier, hein, dans lequel, là encore, je ne m'étais pas plongé. Alors, on parlait de la littérature renéotée. À l'époque, hein, les rapports, ça avait cette forme-là, un peu curieux par rapport à ce qu'on édite aujourd'hui. Donc, je voudrais rapidement résumer l'argument de ce rapport, enfin, qui est plutôt la taille d'un article, à vrai dire. Et puis, je crois que ce qui est peut-être le seul intérêt de ma présence ici, ça serait d'essayer de tenter une comparaison avec le domaine du numérique et de s'intéresser notamment aux questions technologiques, aux spécificités hein, des technologies. Je crois qu'on pourrait faire le même travail également du côté du cinéma. On l'évoquait tout à l'heure avec Sébastien Layel. Je crois qu'il y aurait un travail tout à fait intéressant à faire hein, sur les spécificités de la vidéo par rapport au cinéma. Mais je me livrerai plutôt à cet exercice du côté du numérique. Alors, bon, ce petit papier, les groupes vidéo face aux vidéos consensus, je crois que si on veut le résumer, peut-être disons deux mots de cette notion, hein, si tant est que ce soit vraiment une, de vidéo consensus. Je dirais qu'il y a une double idée derrière cette expression de vidéo consensus. La première, c'est que je crois que dans les années 70, une bonne partie des acteurs sociaux qui s'intéressent à l'image sont persuadés qu'avec la vidéo, on arrive à un tournant profond. Hein. Alors, je crois que c'est probablement quelque chose de partagé aussi bien des groupes vidéo que une partie du pouvoir politique de l'époque. Qui pensent, hein, et il y a de nombreux rapports officiels, notamment dans le ministère de la Culture voisin, mais le ministère de la Jeunesse et Sport, enfin toute une série de lieux, et même au service de la recherche de l'ORTF. Hein, je dirais donc tous ces lieux de recherche et de prospective sont persuadés que les masses médias vont disparaître demain ou après-demain. Et que donc il faut se préparer à ces transformations majeures. Il y a un terme d'un chercheur québécois, je crois que c'est Michel Cartier, qui avait lancé l'expression de self-média. Donc l'idée qu'il n'y a plus des médias de masse, hein, avec d'un côté un émetteur, des récepteurs, mais que chacun lui-même produit dans un dispositif d'autoproduction ces médias. Donc je dirais, derrière l'idée de vidéoconsensus, il y a d'abord cela. Et puis, il y a effectivement l'idée que cette technologie tout à fait moderne, qui est une vraie rupture hein, quand même dans la prise d'image, qui est la vidéo de mi-pouce, peut être aussi un dispositif d'animation culturelle ou socioculturelle, et que notamment dans les nouveaux quartiers, ça a été le cas à Grenoble, par exemple, dans un certain nombre de banlieues, cette vidéo pourrait être un dispositif, disons, de vidéo-animation. Hein. Et donc, je présente la vidéo-animation, disons, dans une optique, disons, on va dire, un peu althusserienne, hein, disons, de prolongement des appareils idéologiques d'État, comme finalement un outil d'inculcation de l'idéologie dominante. Hein. Donc une perspective marxiste althusserienne tout à fait dans l'air du temps, des années 70. Et puis, effectivement, donc je présente les groupes vidéo, au contraire, hein, comme les instruments d'un combat politique. Combat politique qui a, je crois, deux caractéristiques fortes, d'être indépendant des organisations politiques. Hein. Et on en discutait tout à l'heure avec Sébastien Layon, mais je crois que c'est probablement différent du cinéma. Hein. Le cinéma militant, ne serait-ce qu'à cause de son coût, hein, avait probablement des liens beaucoup plus forts avec les grandes organisations politiques. Hein. Donc, un outil de combat politique indépendant des organisations correspondant bien à ce slogan de l'époque, hein, donner la parole aux masses, et en même temps indépendant des grands médias, hein, ce qui évidemment ne va pas être sans problème au niveau de la diffusion. Hein. Il faut aussi rappeler qu'on est à l'époque dans l'idée qu'on va, notamment avec l'arrivée de la télévision par câble, avoir une multiplicité hein, de canaux de diffusion. Et les gens qui réfléchissent un tout petit peu à ça vont tous faire un pèlerinage au Québec. D'ailleurs, c'est là que j'ai rencontré Michel Yvonne Lefebvre. Hein. Le pèlerinage québécois s'imposait à cette époque. Donc, vous voyez, Alger et Montréal étaient les deux lieux importants de la réflexion sur l'image au tournant des années 70. Voilà, je crois ce qu'on peut dire très, très rapidement hein, de cette idée de vidéo consensus. Je dirais peut-être un point que j'ai oublié d'indiquer aussi qui est intéressant, c'est que le projet de Sony, hein, quand Sony met sur le marché, je crois que c'est en 67, hein, le porte-à-pack, hein, le premier magnétoscope portable demi-pouce, le marché auquel Sony pense, hein, c'est évidemment le grand public. Hein, ça s'inscrit dans ce qui a été la politique de Sony dans les années 60, hein, de transformer des matériels professionnels en des matériels grand public. Et vu le coût de ce matériel, ben ce matériel va trouver un marché essentiellement dans des institutions du côté de les vidéos animations et du côté des groupes vidéo. Donc, j'ai interviewé un certain nombre de ces groupes, j'ai vu un certain nombre de ces bandes, j'ai regardé un petit peu la littérature de l'époque, et effectivement, j'ai bâti une petite typologie qui correspond finalement à deux idéotypes qu'on pourrait appeler d'un côté la vidéo collective et de l'autre la vidéo d'auteur. Hein, et on peut définir ces types à travers cinq critères. Hein. Finalement, comment la vidéo s'insère dans les pratiques sociales et la vidéo collective s'insérerait dans les luttes. Je crois que la bande qu'on a vue tout à l'heure en est une très très bonne démonstration. Encore que la vidéo d'auteur s'intéresse aussi aux luttes, hein, mais elle ne s'insère pas de la même façon. Qui parle ? Il y a effectivement cette idée qui est tout à fait en phase avec l'époque, ce sont les personnes en lutte qui parlent. Hein, les bandes sont non signées. Alors, ce n'est pas propre à la vidéo. Hein, je crois qu'on peut rappeler les débats au moment de la création de Libération. Finalement, le premier projet qui va donner forme à Libé, c'est de créer une agence. Hein, une agence où, finalement, chacun pourrait s'exprimer. Hein, ça ressemblerait un peu à un blog d'aujourd'hui. Hein. Donc, finalement, c'est cette idée que les professionnels s'effacent, hein, ou les semi-professionnels s'effacent, hein, derrière les citoyens, n'est pas propre à la vidéo. Et puis, du côté de la vidéo d'auteur, eh bien, évidemment, les bandes sont signées. Caractéristique de la bande, eh bien, d'un côté, du côté de la vidéo collective, on aurait quelque chose qui ressemblerait plutôt à de la vidéo action, peut-être à de la vidéo track, et puis de l'autre côté, on aurait un produit fini, hein, dans la tradition du cinéma. Les modes de réalisation du côté de la vidéo collective, ben, ce serait un collectif de réalisation. Malgré toutes les difficultés pour les groupes, bien, ils acceptent souvent de prêter leur matériel. Et puis, de l'autre côté, eh bien, on a la réalisation qui est faite par le groupe, qui se définit un peu comme un groupe au moins semi-professionnel et pas de prêt de matériel. Et enfin, la question de la diffusion qui est évidemment centrale. Dans la vidéo collective, c'est le groupe qui organise la diffusion. Et dans la vidéo d'auteur, bien, l'idée, c'est que ça serait des produits édités, avec malgré tout toute la difficulté qu'on peut quand même rappeler, c'est qu'il y a eu plusieurs normes successives de vidéos, donc il fallait amener un magnétoscope, et que sinon il y avait le risque que ça ne soit pas la bonne norme, enfin, etc. Mais je crois que vous avez dû en parler souvent, et bien plus savamment que moi. Hein. Et puis, donc, je termine ce petit article, hein, avec une réflexion sur les formats, hein, parce qu'incontestablement, il y a, et c'est peut-être la liberté de la vidéo par rapport au cinéma, hein, notamment le fait qu'on peut réeffacer, hein, que donc du coup, la bande, hein, coûte beaucoup moins cher qu'une pellicule qu'on aura impressionnée une fois pour toutes. Eh bien, on peut imaginer plusieurs formats, dans ce que j'avais appelé la vidéo-action, où ça rentrait vraiment comme instrument, hein, de lutte. Hein. Le vidéo-track, d'ailleurs, peut-être qu'en voyant cette bande, j'hésitais un petit peu de quel côté il fallait le classer, mais manifestement, on est quand même dans un tract militant qu'on met donc sur... qu'on diffuse sur des moniteurs à la sortie de l'église, enfin à l'extérieur de l'église. Hein. Et puis probablement ce qui est le format le plus intéressant et qui là et touche probablement, hein, un petit peu l'idéologie de la vidéo animation, l'idée que la vidéo peut servir à analyser, hein, une action sociale. Hein, et qu'on peut filmer pendant des heures et des heures et effectivement analyser une situation sociale. Peut-être d'ailleurs dans cette lignée-là, hein, un auteur qui n'a pas été évoqué jusqu'à maintenant, vous avez peut-être déjà évoqué, hein, qui est le Canadien Gary Belkin, hein, qui a filmé des centaines d'heures en Tanzanie et plus tard en Haïti. Donc voilà un petit peu ce qui ressortait de ce papier, mais Hélène Fleckinger, vous l'avez déjà présenté très bien, donc je ne vais pas en dire beaucoup plus. Je crois que ce qui est peut-être plus intéressant, c'est effectivement, en tout cas moi ce qui m'intéresse plus, c'est de le comparer avec aujourd'hui. Alors, et avec le numérique. Je dirais, premier élément de comparaison, je voudrais revenir parce que j'ai beaucoup travaillé sur les imaginaires collectifs du numérique et notamment sur ceux d'Internet. Je crois qu'il y a une certaine parenté, effectivement, entre ces deux grands imaginaires collectifs de rupture avec les masses médias, hein, d'un média réellement démocratique, offert à tous. Finalement, il y a une certaine parenté, d'ailleurs, pour bien connaître avoir étudié les discours américains, on va retrouver un certain nombre d'acteurs américains, hein, qui vont reprendre le même discours sur le numérique. Aux États-Unis, il y a un lien extrêmement fort avec la contre-culture californienne, c'est trop évident. Donc ces deux discours sont assez proches, avec une dizaine d'années de décalage. La grande différence, hein, c'est que le discours... sur l'imaginaire du numérique va avoir une efficacité très forte. Hein. Il est quand même un petit peu au cœur de ce que vont devenir les pratiques du numérique et d'Internet. Tandis que incontestablement, hein, cette vidéo des années 70 ne va pas devenir un dispositif massif. Alors, examinons ça de façon un peu plus fine. Hein. Je dirais la question de l'accès au matériel. Ce serait intéressant d'exprimer probablement en SMIC hein, le coût d'un porte-à-pac de l'époque. Hein, mais ça, mais peut-être que Michel pourrait retrouver ces chiffres. Ça fait l'objet d'une discussion. Ah bon. Ça fait l'objet d'une discussion facile. D'accord. Bon, mais en tout cas, c'était des matériels très chers. Hein. Bon, je crois voilà ce qu'on peut dire incontestablement, des matériels chers, des matériels fragiles, délicats, d'usage, je dirais par rapport au Super 8, par exemple, évidemment, sans aucune commune mesure. Aujourd'hui, je dirais, ben, tout le monde a son smartphone dans sa poche hein, avec la possibilité de faire de l'image animée. Donc ça, c'est vraiment une rupture considérable. Hein, et je dirais, quand on voit la diffusion des smartphones, c'est pas seulement en France, c'est une diffusion planétaire. Deuxième élément de transformation sur lequel je voudrais insister peut-être encore plus, c'est la question de la diffusion. J'avais utilisé une expression un peu écolo dans ce rapport de vidéo brouette hein, pour parler de la diffusion. Hein. C'était pour parler d'Yvonne et Michel Lefebvre qui transportaient leur magnétoscope pour aller faire des projections. Alors, c'était une de deux chevaux, probablement, pas une brouette. Hein. Mais. Voilà. Mais, bon, on était dans des éléments qui rendaient cette diffusion exceptionnelle. On était peut-être dans la tradition Cyrané Club hein, et pas du tout dans la tradition de la diffusion de masse qui est celle d'aujourd'hui, des YouTube, des Dailymotion. Je dirais, rupture là aussi sur laquelle je crois on n'insiste pas assez, parce que si on la compare à la situation des radios libres, il y a eu au début d'Internet, dans les années de 2000, un certain nombre de débats aux États-Unis. Hein, est-ce qu'on peut analyser Internet comme on peut analyser les radios ? Je dirais, la grande différence, et tous les pères des radios libres le savent bien, c'est que malgré tout, après le début du mouvement des radios libres, il a fallu eh bien, mettre une régulation et il y a un régulateur qui a attribué les fréquences. Et évidemment, il n'y avait pas de fréquences pour tout le monde. Et dans ces cas-là, mais ça avait été la même chose aux États-Unis dans les années 20, on donne évidemment les fréquences aux plus riches qui ont, pas forcément parce qu'ils sont les plus riches, parce qu'on se dit que ce sont eux qui utiliseront le mieux les fréquences et qu'on est certain qu'ils diffuseront 24 heures sur 24. Sur le web, il n'y a pas de limite. Donc, il me semble que c'est une des premières fois hein, dans l'histoire de la communication qu'on rentre dans un système de communication qui n'a pas de limite. Le fait que j'ai mon blog n'empêche pas Monique Elbel d'en avoir un si elle en a envie. Hein. Et ben, je dirais c'est vraiment quelque chose de vraiment fondamentalement différent. Troisième élément de comparaison qui, je crois, important, c'est la question de la compétence. Il n'y avait pas vraiment de compétence de cinéma amateur. Hein. Alors, je n'ai plus les chiffres en tête, hein, mais le taux d'équipement en 8 mm, ce Super 8 démarre en quelle année ? 64. Hein. Voilà, donc un tout petit peu avant. Hein. Mais donc, cette compétence de tournage élémentaire, finalement, n'existe quasiment pas. Et encore moins la compétence du montage. Hein. On sait bien que les bancs de montage, souvenir que j'en ai, étaient des outils complexes à manipuler. Et puis, il y a eu des expériences multiples. On évoquait ça avec Hélène Flékinger. J'ai retrouvé un témoignage là, en rangeant des papiers l'autre jour du service de la recherche et de l'INA. Le service de la recherche et de l'INA s'était mis à confier des caméras, donc des vidéos demi-pouce, comme ça, à des gens aux quatre coins de la France. Hein. Et effectivement, il y a d'abord un problème d'apprentissage et puis un problème... je dirais de s'approprier aussi esthétiquement l'outil pour faire autre chose que les images qu'on voit à la télé d'habitude. Hein. Donc cette expérience-là n'existait pas à l'époque. Je dirais aujourd'hui, c'est pour moi vraiment un étonnement permanent de voir à quel point nos contemporains, évidemment les plus jeunes d'entre eux, se sont appropriés les outils numériques spontanément. Spontanément, en tout cas, avec l'aide de leurs amis. Juste deux exemples, un tout petit peu plus ancien et un d'aujourd'hui. Je ne sais pas si vous vous souvenez des Skyblogs des adolescents. Hein, c'était donc il y a 3 ans, 4 ans. Hein. Eh bien, ces blogs... proposé par Sky aux adolescents, il y avait une capacité à manipuler l'image que j'ai toujours trouvé extraordinaire. Alors que finalement, hein, ils ont appris à utiliser Photoshop seul. Hein. J'ai souvenir d'une image comme ça, d'une adolescente qui exprimait son mal de vivre, d'une adolescente de 15 ans. Et il y avait une petite séquence où elle était dans sa baignoire et elle s'était tranchée la gorge, il y avait le sang qui s'est écoulé, un sang rouge extraordinaire. C'était très beau. Hein. Eh bien, cette gamine, elle avait appris seule, hein, avec Photoshop, hein, à faire ce type d'image. Et on en trouve évidemment des milliers comme celle-là. Aujourd'hui, on trouverait plutôt ça sur les pages Facebook, hein. Mais donc la façon dont on s'approprie le tournage, et puis aussi, je crois ce qu'il faut rappeler, c'est notre rapport à l'image, hein, qui a complètement changé. Hein, c'est-à-dire que l'image des groupes vidéo était une image exceptionnelle. Hein, c'était la manifestation, hein, des prostituées de Lyon ou de Lippe, ou là, exception côté militant. Mais le fait qu'on utilise l'image aujourd'hui de façon ordinaire, hein, pour on voit quelque chose dans la rue, on le filme, on l'envoie en MMS à ses amis, que une fête, hein, je fais un petit travail avec mes étudiants sur l'utilisation de l'image, eh bien, on fait une fête entre copains, évidemment, on filme, on met les images sur Facebook, et je dirais, la fête n'est terminée qu'une fois qu'on a mis les images sur Facebook. Et éventuellement, ensuite, on range l'appartement avant que les parents ne rentrent. Mais c'est plus important de mettre les images sur Facebook. Donc, cette sorte d'intégration, finalement, du tournage à une action, mais qui est une action quotidienne, qui n'est plus une action militante, je crois que voilà un élément tout à fait fondamental. Alors, si on quitte un petit peu les spécificités de l'analogique par rapport au numérique, je dirais l'autre élément qui, me semble-t-il, a beaucoup changé entre les années 70 et les années 2000, c'est un rapport aux politiques qui n'est plus du tout le même. Et je crois qu'on peut le résumer à travers ce livre de Jacques Thion qui s'appelle « La fin des militants ». Hein, Jacques Thion écrit ce livre en 97. Schématiquement, quelle est la thèse de Jacques Thion? C'est non pas que l'activité politique a disparu, mais qu'elle a pris une autre forme. Hein, et qu'on pourrait résumer de façon imagée, hein, en disant que c'est la fin, disons, du militant du Parti communiste qui est là le dimanche à la sortie du métro, qu'il fasse beau ou qu'il pleuve, il est toujours là, hein, à distribuer ses tracts qui lui sont envoyés par le comité central. Hein, donc une organisation hiérarchique, mais en même temps une sorte de force militante, hein, à laquelle on ne peut que respecter. Eh bien, aujourd'hui, on est dans un modèle complètement individualiste, occasionnel, mais ce qui ne veut pas dire que c'est une action politique qui a disparu, et qui peut être extrêmement intense. Mais, peut-être que Greenpeace, hein, si on veut parler par image, hein, le PCF d'un côté et Greenpeace de l'autre. Hein, cette capacité qu'on peut avoir à faire des opérations au coup de poing, à mobiliser des compétences multiples, aussi bien pour envoyer un bateau, pour s'installer en haut d'une grue et dérouler des banderoles, et éventuellement pour expertiser un certain nombre de produits chimiques. Donc, un autre mode de militantisme et qui va modifier, je dirais, le rapport entre le je et le nous. Je crois que, en relisant ce papier 35 ans après, ce qui me frappait beaucoup, c'était ce débat vidéo collectif, vidéo d'auteur. Et même si tous ces groupes, me semble-t-il, hein, mais les gens qui sont là me contrediront peut-être, hein, avec des orientations différentes, hein, se présenter comme s'effaçant, hein, donnant la parole aux luttes, malgré tout, la question de l'auteur était toujours présente. Hein. Alors, au moins un auteur technique, hein, parce que le matériel était coûteux, on ne pouvait pas le laisser à n'importe qui, mais souvent, malgré tout, l'idée de faire un film, hein, s'opposait. Donc, on avait une sorte de tension entre le nous et le je. Il me semble qu'aujourd'hui, on aurait plutôt un discours de je. Les vidéos, on en verra une tout à l'heure, qu'on peut trouver sur YouTube, sur Dailymotion, sont souvent écrites à la première personne. On peut retrouver des procédés qui sont les mêmes. Hein. Sans me rappeler qu'il y a eu un film de Carole Ossopoulos reprenant des images du JT. Alors c'était sur la Palestine, je crois. Hein. Septembre Noir. Hein. Des images du JT qui ont été remontées. On trouve ça, hein, on en trouve beaucoup sur YouTube. Hein, effectivement, on reprend des images du JT, on leur donne un autre sens. Mais je dirais, c'est un individu qui parle. Hein, et c'est beaucoup moins souvent un collectif. Et donc, je ne sais pas combien de temps il me reste. Il me reste un peu de temps. Bon. Eh bien, dans ce cas, je voudrais maintenant vous présenter comme ça quelques figures de l'engagement citoyen à l'ère du numérique. La première, c'est une figure un peu intermédiaire entre le privé et le public. Hein, parler d'espace extime. Hein, c'est le fait que je peux m'exprimer, soit en texte, hein, je dirais, je suis pas un spécialiste de l'image, donc je ne fais pas forcément de différence entre le texte et l'image. Je peux m'exprimer sur le net avec un public qui peut être relativement limité. Hein. On est un peu dans la situation du café, quoi. Hein. Je parle à quelques personnes. Parfois, il y en a plus, puis parfois, exceptionnellement, il va y avoir plein de gens qui vont se brancher sur ce que j'ai dit. Je peux le faire aussi, et ça, je crois que c'est aussi un vrai changement, avec une identité relativement floue, avec un pseudo, donc on ne sait pas exactement qui parle. Mais donc, c'est l'idée d'une expression pour une petite communauté indéterminée, qui peut éventuellement devenir plus grande. Et je trouve qu'on trouve ça assez bien dans ces cas qui ont souvent été évoqués par les médias, de reportages faits par des individus ordinaires, des individus amateurs, hein, qui sont là à un moment où il se passe quelque chose, le tsunami, un attentat dans le métro de Londres, hein, et les grands médias vont diffuser ces images. Hein. Il y a eu un débat finalement, est-ce que les amateurs ne vont pas remplacer les reporters professionnels ? Je crois que c'est évidemment un faux débat. C'est un faux débat parce que quand on interviewe ces personnes, ce qu'elles disent très souvent, c'est que si elles ont sorti leur smartphone pour prendre des images fixes ou une vidéo, c'est d'abord pour se réapproprier l'événement. Hein. C'est pour vivre ce choc considérable hein, de cette vague qui arrive, du métro de Londres qui est arrêté, des ambulances, enfin des sirènes d'ambulance qui hurlent. Hein. C'est en quelque sorte un peu pour apaiser le traumatisme. Et c'est deuxièmement pour leurs proches. Hein. Donc ces vidéos sont toujours envoyées d'abord aux proches en disant « Regardez, je suis dans le métro, mais il ne s'est rien passé, ça va bien. » Et puis ensuite, hein, certaines de ces photos vont être reprises par les médias. Mais c'est évidemment très très important de bien avoir en tête que ce sont des photos et des images qui sont prises hein, pour une situation ordinaire et qui ensuite vont soudain, de façon un peu inattendue, rentrer dans l'espace public. Je dirais deuxième figure de l'expression politique dans le monde numérique, c'est ce qu'on pourrait appeler le blog public. Alors là, c'est une situation très différente. C'est un discours qui est tenu à la première personne par quelqu'un, éventuellement il peut avoir un pseudo, mais qui est identifié, hein, qui parle bien en son nom. Hein. Ça peut être un journaliste, un homme politique, mais ça peut être aussi un individu plus ordinaire, si je peux dire. Mais ce qui est, par exemple, intéressant quand c'est un journaliste ou un homme politique, c'est que le journaliste ne s'exprime pas au nom de son journal et que l'homme politique ne s'exprime pas au nom de son parti. Il s'exprime à la première personne. C'est un discours qui est moins savant que celui des experts. Hein, c'est un discours où, finalement, il s'agit de mettre en réseau un certain nombre de points de vue privés. Troisième figure, c'est la figure de la polémique. Et je pense que là aussi, je voudrais réhabiliter certains formats d'expression sur Internet. On a souvent tendance à stigmatiser les propos injurieux sur Internet. Et Dieu sait qu'il y en a. Hein. Les stigmatiser pour, d'une certaine façon, les dévaloriser. Je crois que c'est une des caractéristiques du débat public. Je voyais avec plaisir Guy Hembel tout à l'heure à propos de sa situation très particulière, mais valoriser finalement le débat polémique, parce que je crois que c'est une des caractéristiques du débat public. Et finalement, c'est une des vieilles caractéristiques de la démocratie parlementaire au XIXe siècle. Hein. On s'injuriait à l'Assemblée au XIXe siècle, comme on ne sait plus faire aujourd'hui. Et donc, on retrouve ça sur Internet, me paraît plutôt positif. Quatrième figure, c'est celle sur laquelle qu'on a le plus évoqué du côté de l'Internet, c'est la libération en ligne. C'est ce fantasme qui vient du début de l'Internet, hein, que finalement l'espace public imaginé par Habermas pourrait enfin se réaliser et que donc on pourrait débattre en ligne et petit à petit arriver à trouver un accord. Là, il y a eu de très très nombreuses déceptions hein, sur ces tentatives, notamment dans ce qu'on a appelé le débat public en France, hein, sur des grands projets d'aménagement, etc. En utilisant parfois la vidéo, d'ailleurs, on retrouvait des processus un peu comme ceux de la vidéo-animation. Hein. Finalement, les porteurs de projets faisaient un petit film en disant « Voilà ce qui se passera quand le tramway passera ici, quand l'autobus passera là, quand le TGV passera là. » Et puis, on laissait les gens où on faisait des animations en mettant des éoliennes et en voyant ce qui se passait. Et ensuite, on suscitait un débat... Toutes les enquêtes que je peux connaître là-dessus montrent la très très faible participation, hein, mais Josiane connaît ça mieux que moi, la très faible participation de ce genre d'opération. Finalement, peut-être le seul intérêt que ça peut avoir, et on retrouve le débat de la vidéo militante, c'est qu'on donne la parole à des gens qui ne sont ceux qui ne s'expriment pas forcément d'habitude. C'est-à-dire qu'on sait que quand on fait un débat sur l'aménagement du tramway dans une salle comme celle-ci, viennent essentiellement les représentants des associations, de différents mouvements, et qu'en ligne, peut-être d'autres personnes s'expriment. Alors, d'autres personnes s'expriment, eh bien, il y a sur le net, peut-être que ça va vous sembler pas très important, mais je pense que c'est quand même intéressant de signaler ces chiffres, qu'il y a une activité citoyenne ordinaire sur le net. Un quart des Français ont signé des pétitions en ligne. Un petit peu moins de 20% ont transmis des informations politiques à leurs proches. Environ 10% les ont commentées. Et 5% ont participé à des forums politiques. Mais peut-être plus profondément, il y a peut-être d'autres formes politiques qui sont en train d'émerger, qui correspondent à cette fin des militants qui était évoquée par Jacquion. Je dirais que grâce à l'Internet, on peut mettre en place des activités politiques éclatées et diverses. Je crois que peut-être le plus bel exemple de ceci, c'est le travail d'Amnesty International, hein, alors, qui existait avant le net, mais incontestablement, le net favorise ce type d'action, hein, où finalement on va coordonner des gens qui vont faire des observations, des gens qui sont dans des lieux différents, qui ont des expertises différentes, et grâce au net, ceci circule. Donc finalement, voilà une nouvelle forme d'action politique qu'on pourrait dire en réseau. Et puis, Internet est aussi lié à ce que Pierre-Rosan Vallon a appelé la contre-démocratie. Cette idée que finalement l'expression démocratique ne passe pas uniquement ou d'abord par le vote, mais que, et notamment pendant les périodes de vote, eh bien, le citoyen peut s'exprimer, peut surveiller ce que font les élus, évaluer leur action, collecter de l'information et dénoncer surtout ce qu'ont fait les élus. Pierre-Rosan Vallon l'indique, hein, mais je crois que je suis en total accord avec lui. Internet est effectivement un outil, hein, qui permet cette forme de contre-démocratie. On pourrait se demander, hein, dans ce petit travail de comparaison avec 30 ans d'âge, hein, est-ce que les groupes vidéo étaient des lieux de dénonciation. On va voir dans quelques instants, hein, un film qui donne une idée, hein, de cette... de ces formes de dénonciation, en même temps, comment présenter différemment une analyse. Hein. Ce film s'appelle « French Democracy ». Il a été fait par un jeune, disons, de banlieue, pour prendre l'expression consacrée. Et on voit son nom sur le... On voit le générique, non ? Oui, on voit le générique. On voit le générique. Hein. On va le revoir sera dans un instant. Hein, mais je dirais ce qui est très intéressant, à mon sens, c'est deux choses. Dans cette affaire, c'est fait en anglais. Hein, c'est destiné à des journalistes anglo-saxons. Hein. Donc le message, c'est de dire, regardez pas ce que passe la télé française. Hein. Nous, qui avons vécu ça, on va vous dire ce qu'on a vécu, mais on va le dire à l'étranger. Et ça, c'est une rupture évidemment très fondamentale avec le type de tournage des groupes vidéo. C'est fait avec des personnages, donc c'est une sorte de petit film d'animation, hein, fait avec des personnages de jeux vidéo. Et moi, je le lis, mais on pourra éventuellement en débattre, comme le fait que face à une situation tellement incomprise du restant de la société, ça ne peut pas se dire avec des images de reportage. Ça ne peut se dire que dans une sorte de fiction, où on voit effectivement l'attitude de la police face aux jeunes de banlieue. Donc je conclurai que une des choses qui change complètement l'expression politique, on va dire audiovisuelle ou écrite, au début des années 2010, c'est que Internet permet peut-être ce rêve des années 70, aux citoyens ordinaires de s'exprimer, de remettre en cause l'autorité des politiques, des experts, et de réussir, bien sûr, modestement, mais d'articuler différents individus qui ont des parcelles de compétences et qu'on peut associer pour faire quelque chose qui sera une œuvre plus collective. Donc voici un petit peu les pistes que je voulais vous soumettre sur une nouvelle forme, je ne sais pas si on peut dire politique, mais en tout cas citoyenne, de s'exprimer à l'ère du numérique. Je vous remercie.